Chapitre 139, le 20 juin. Le jour vient de bonne heure au mois de juin. À 5 heures du matin, les bataillons étaient rassemblés. Cette fois, l'émeute était régularisée. Elle avait pris l'aspect d'une invasion. La foule reconnaissait des chefs, subissait une discipline, avait sa place marquée, son rang, son drapeau. Santerre était à cheval avec son état-major d'homme du faubourg. Billot ne le quittait pas. On eût dit qu'il était chargé par quelque pouvoir occulte de veiller sur lui. Le rassemblement était divisé en 3 corps d'armée. Santerre commandait le premier, Saint-Huruge le second, Théroigne de Méricourt le troisième. Vers 11 heures du matin, sur un ordre apporté par un homme inconnu, l'immense masse se mit en marche. À son départ de la Bastille, elle se composait de 20 000 hommes à peu près. Cette troupe offrait un aspect sauvage, étrange, terrible. Le bataillon conduit par Santerre était le plus régulier. Il y avait bon nombre d'uniformes et comme armes un certain nombre de fusils et de baïonnettes. Mais les 2 autres, c'était l'armée du peuple, armée en haillons, haves, amaigris. 4 années de disette et de cherté de pain, et sur ces 4 années, 3 de révolution. Voilà le gouffre d'où sortait cette armée. Aussi là, pas d'uniforme, pas de fusil, des vestes en lambeaux, des blouses déchirées, des armes bizarres saisies dans un premier moment de colère, dans un premier mouvement de défense, des piques, des broches, des lances émoussées, des sabres sans poignées, des couteaux liés au bout de longs bâtons, des haches de charpentier, des marteaux de maçon, des tranchées de cordonnier. Puis, pour étendard, une potence avec une poupée se balançant à une corde et représentant la reine, une tête de bœuf avec ses cornes, auxquelles s'entrelace une devise obscène, un cœur de veau piqué au bout d'une broche avec ses mots « cœur d'aristocrate ». Puis, des drapeaux avec ses légendes « la sanction ou la mort ». Rappel des ministres patriotes. « Tremble, tyran, ton heure est venue ». Le rassemblement s'était fendu à l'angle de la rue Saint-Antoine. Santerre et sa garde nationale avaient suivi le boulevard, Santerre avec son costume de chef de bataillon, Saint-Huruge en fort de la halle, sur un cheval parfaitement carapaçonné, que lui avait amené un palefrenier inconnu, et Théroigne de Méricourt, couché sur un canon traîné par des hommes aux bras nus, suivait la rue Saint-Antoine. On devait, par la place Vendôme, se rejoindre aux Feuillants. Pendant 3 heures, l'armée défila, entraînant dans sa marche la population des quartiers qu'elle traversait. Elle était pariée à ces torrents qui, en grossissant, bondissent et écument. À chaque carrefour, elle grossissait. À chaque angle de rue, elle écumait. La masse de ce peuple était silencieuse. Seulement, par intervalles, d'une façon inattendue, elle sortait de ce silence et poussait d'immenses clameurs, où chantait le fameux Saïra de 1790, qui, se modifiant peu à peu, devenait, d'un chant d'encouragement, un chant de menace. Enfin, elle faisait retentir les cris de « Vive la nation !»« Vive les sans-culottes !»« À bas, monsieur et madame Veto !» Longtemps avant d'apercevoir les têtes de colonne, on entendait le bruit des pas de cette multitude, comme on entend le bruit d'une marée qui monte. Puis, de moment en moment, retentissait l'éclat de leur chant, de leur rumeur, de leurs cris, comme retentit le sifflement de la tempête à travers les airs. Arrivé à la place Vendôme, le cœur d'armée de Santerre, qui portait le peuplier qu'on devait planter sur la terrasse des Feuillants, trouva un poste de garde nationaux qui lui barra le passage. Rien n'était plus facile à cette masse que de broyer ce poste entre ses 1000 replis. Mais non, le peuple s'était promis une fête et voulait rire, s'amuser, effrayer monsieur et madame Veto. Ils ne voulaient pas tuer. Ceux qui portaient l'arbre abandonnèrent le projet de le planter sur la terrasse et allèrent le planter dans la cour voisine des Capucins. L'assemblée entendait tout ce bruit depuis près d'une heure, quand les commissaires de cette multitude vinrent réclamer, pour ceux qu'ils représentaient, la faveur de défiler devant elle. Vergniaud demanda l'admission, mais en même temps, il proposa d'envoyer 60 députés pour protéger le château. Eux aussi, les Girondins, voulaient effrayer le roi et la reine, mais ne voulaient pas qu'on leur fît du mal. Un Feuillant combattit la proposition de Vergniaud, disant que cette précaution serait injurieuse pour le peuple de Paris. N'y avait-il pas l'espérance d'un crime sous cette apparente confiance? L'admission est accordée, le peuple des faubourgs défilera en armes dans la salle. Aussitôt les portes s'ouvrent et livrent passage aux 30 000 pétitionnaires. Le défilé commence à midi et ne s'achève qu'à 3 heures. La foule a obtenu la première partie de ce qu'elle demandait. Elle a défilé devant l'assemblée. Elle a lu sa pétition. Il lui reste à aller demander au roi sa sanction. Quand l'Assemblée avait reçu la députation, le moyen que le roi ne la reçut pas, le roi n'était pas, à coup sûr, plus grand seigneur que le président. Puisque le roi venait voir le président, il n'avait qu'un fauteuil pareil au sien, et encore était-il à sa gauche. Aussi le roi avait-il fait répondre qu'il recevrait la pétition présentée par 20 personnes. Le peuple n'avait jamais cru entrer aux Tuileries. Il comptait que ses députés entreraient pendant que lui défilerait sous les fenêtres. Tous ses drapeaux à devises menaçantes, tous ses étendards funestes, il les ferait voir au roi et à la reine à travers les vitres. Toutes les portes donnant sur le château étaient fermées. Il y avait, tant dans la cour que dans le jardin des Tuileries, 3 régiments de ligne, 2 escadrons de gendarmerie, plusieurs bataillons de garde nationale et 4 pièces de canon. La famille royale voyait, des fenêtres, cette proposition apparente et paraissait assez tranquille. Cependant, la foule, sans mauvaise intention toujours, demandait qu'on lui ouvrît la grille qui donnait sur la terrasse des Feuillants. Les officiers qui la gardaient refusèrent de l'ouvrir sans l'ordre du roi. Alors, 3 officiers municipaux demandèrent à passer pour aller quérir cet ordre. On les laissa passer. Montjoie, l'auteur de l'histoire de Marie-Antoinette, a conservé leur nom. C'était Boucher René, Boucher Saint-Sauveur et Mouchet. Mouchet, ce petit juge de paix du Marais, tortue, bancal, déjeté, nain, à l'immense écharpe tricolore. Ils furent admis au château et conduits au roi. Ce fut Mouchet qui porta la parole. « Sire, dit-il, un rassemblement marche légalement sous l'égide de la loi. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Des citoyens paisibles se sont réunis pour faire une pétition à l'Assemblée nationale et veulent célébrer une fête civique à l'occasion du serment prononcé au Jeu de Paume en 1789. Ces citoyens demandent à passer par la terrasse des Feuillants, dont non seulement la grille fermée, mais encore un canon à batterie leur défend l'accès. Nous venons vous demander, sire, que cette grille soit ouverte et qu'il leur soit accordé un libre passage. « Monsieur, répondit le roi, je vois à votre écharpe que vous êtes officier municipal. C'est donc à vous de faire exécuter la loi. Si vous le jugez nécessaire au dégagement de l'Assemblée, faites ouvrir la porte de la terrasse des Feuillants. Que les citoyens défilent par cette terrasse et sortent par la porte des écuries. Entendez-vous donc à cet effet avec monsieur le commandant général de la garde et surtout faites en sorte que la tranquillité publique ne soit pas troublée. » Les 3 municipaux saluèrent et sortirent, accompagnés d'un officier chargé de constater que l'ordre d'ouvrir la porte était bien donné par le roi lui-même. On ouvrit la grille. La grille ouverte, chacun voulut entrer. Il y eut étouffement. On sait ce que c'est que la foule qui étouffe, c'est la vapeur qui éclate et se brise. La grille de la terrasse des Feuillants craqua comme une clé d'osier. La foule respira et se répandit joyeuse dans le jardin. On avait négligé d'ouvrir la porte des écuries. Trouvant cette porte fermée, la foule défila devant les gardes nationaux rangés en haie contre la façade du château. Puis elle sortit par la porte du quai, et comme il fallait, à tout prendre, qu'elle retourna à son faubourg, elle voulut rentrer par les guichets du carrousel. Les guichets étaient fermés et gardés, mais la foule, brisée, meurtrie, bousculée, commence à s'irriter. Devant son grondement, les guichets s'ouvrent et la foule se répand sur l'immense place. Là, elle se rappelle que la principale affaire de la journée, c'est la pétition au roi pour qu'il lève son veto. Il en résulte qu'au lieu de continuer son chemin, la foule attend dans le carrousel. Une heure se passe, elle s'impatiente. Elle s'en serait bien allée, mais ce n'était point l'affaire des meneurs. Il y avait là des gens qui allaient de groupe en groupe et qui disaient « Restez, mais restez donc. Le roi va donner sa sanction. Ne rentrons chez nous qu'avec la sanction du roi, ou ce sera à recommencer. » La foule trouvait que ces gens-là avaient parfaitement raison, mais en même temps elle réfléchissait que cette fameuse sanction se faisait bien attendre. On avait faim, c'était le cri général. La cherté du pain avait cessé, mais plus de travail, plus d'argent. Et si bon marché que soit le pain, encore ne le donne-t-on pas pour rien. Tout cela s'était levé à 5 heures du matin, avait quitté son grabat, où beaucoup s'étaient couchés à jeun la veille. Tout cela, ouvriers avec leurs femmes, mères avec leurs enfants, tout cela s'était mis en route sur cette vague espérance que le roi sanctionnerait le décret et que tout irait bien. Le roi ne paraissait pas le moins du monde disposé à sanctionner. Il faisait chaud et l'on avait soif. La faim, la soif et la chaleur rendent les chiens enragés. Eh bien, ce pauvre peuple attendait, lui, et prenait patience. Cependant, on commence à secouer les grilles du château. Un municipal paraît dans la cour des Tuileries et harangue le peuple. « Citoyens, dit-il, c'est le domicile du roi. Ayant entré en armes, ce serait le violer. Le roi veut bien recevoir votre pétition, mais présentée seulement par 20 députés. » Ainsi, les députés que la foule attend, qu'elle croit depuis une heure près du roi, les députés ne sont pas introduits. Tout à coup, on entend de grands cris à côté des quais. C'est Santerre et Saint-Huruge sur leurs chevaux. c'est Théroigne sur son canon. Eh bien, que faites-vous là devant cette grille ? Crie Saint-Huruge. Pourquoi n'entrez-vous pas ? Au fait, disent les hommes du peuple, pourquoi n'entrons-nous pas ? Mais vous voyez bien que la porte est fermée, objectent plusieurs voix. Théroigne saute à bas de son canon. Il est chargé, dit-elle, faites sauter la porte avec le boulet. Il embraque le canon devant la porte. Attendez, attendez ! Crient de municipaux. Pas de violence, on va ouvrir ! Et en effet, il pèse sur la bascule qui ferme les deux battants. La bascule joue, la porte s'ouvre. Tous se précipitent. Voulez-vous savoir ce que c'est que la foule et quel terrible torrent elle fait ? Eh bien, la foule entre. Le canon, entraîné, roule dans les flots, traverse avec elle la cour, monte avec elle les degrés et avec elle se trouve au haut de l'escalier. Au haut de l'escalier sont des officiers municipaux en écharpe. « Que comptez-vous faire d'une pièce de canon » demande-t-il. « Une pièce de canon dans les appartements du roi. Croyez-vous obtenir quelque chose par une pareille violence ?»« C'est vrai, » répondent ces hommes, tout étonnés eux-mêmes que cette pièce de canon fût là. Et ils retournent la pièce et veulent la descendre. Les cieux s'accrochent dans une porte, et voilà la gueule du canon tournée vers la multitude. « Bon, il y a de l'artillerie jusque dans les appartements du roi !» crient ceux qui arrivent et qui, ne sachant pas comment cette pièce se trouve là, ne reconnaissent pas le canon de Théroigne et croient qu'il était amené là contre eux. Pendant ce temps, sur l'ordre de Mouchet, deux hommes avec des haches, coupent, taillent, brisent le chambranle de la porte et dégagent la pièce qui est redescendue sous le vestibule. Cette opération, qui a pour but de dégager le canon, fait croire que l'on brise les portes à coups de hache. 200 gentilshommes à peu près sont accourus au château, non pas dans l'espoir de le défendre, mais ils croient que l'on en veut au jour du roi, et ils viennent mourir avec lui. Il y a en outre le vieux maréchal de Mouchy, M. d'Herbilly, commandant de la garde constitutionnelle licencié, Aclog, commandant du bataillon de la garde nationale du faubourg Saint-Marceau, 3 grenadiers du bataillon du faubourg Saint-Martin, restés seuls à leur poste, M. Lecronier, Brideau et Gosset, un homme vêtu de noir, qui déjà une fois est accouru offrir sa poitrine à la balle des assassins, dont on a constamment repoussé les conseils, et qui au jour du danger qu'il a essayé de conjurer, vient, comme un dernier rempart, se mettre entre ce danger le roi, Gilbert. Le roi et la reine, très inquiets au bruit effroyable de cette multitude, s'étaient peu à peu habitués à ce bruit. Il était 3h30 de l'après-midi. Ils espéraient que la fin de la journée s'écoulerait comme le commencement. La famille royale était réunie dans la chambre du roi. Tout à coup, le bruit des haches retentit jusque dans la chambre, dominée par les bouffées de clameurs qui semblent les hurlements lointains de la tempête. En ce moment, un homme se précipite dans la chambre à coucher du roi en criant « Sire, ne me quittez pas, je réponds de tout !»